notre école. J'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. Sergueï, Petia et Vasia sont des conscrits soviétiques en Afghanistan dans les années 80. Sergueï regarde défiler sous ses pieds le paysage désormais familier, un fleuve dans lequel se reflète le bleu profond du ciel, un champ de pavots pareil à un lac de sang, des gens au travail, d'autres qui marchent le long des sentiers, une caravane qui s'étire à flanc de montagne. Tout semble si paisible. Mais son regard dérive maintenant sur ses camarades. Ses camarades harassés, sur leurs mains terreuses agrippées à leurs fusils, sur leurs têtes qui dodelinent au gré des trous d'air. Vasia dort, la bouche ouverte, avec à ses pieds, coincés entre les paquetages, les 5 sacs en plastique qui dégagent déjà une odeur de viande avariée. C'est tout ce qu'il reste de leurs 5 camarades qui ont sauté sur la dernière mine. Mais ils n'ont plus rien à vomir. Tous sont si recrus de fatigue qu'ils pourraient s'en servir comme d'oreiller s'ils pouvaient se coucher dessus. Seul Petia ne sommeille pas. Il a sorti son bandeau néon et en effleure amoureusement les touches, musique silencieuse dans le vrombissement des moteurs. Il s'approche maintenant des faubourgs de la ville. Vasia a repris les choses en main. Il a organisé une distribution de vodka. Il a aussi glissé quelques pastilles euphorisantes à ceux qui en voulaient et pour les autres, 2 boîtes de lait concentré, le suprême régal. On se les passe. Chacun en avale une goulée. Beaucoup ferment les yeux tant le plaisir est grand. Sergueï songe que les hommes ont la mémoire bien courte. Il y a quelques heures à peine, il pleurait de trouille et de dégoût. Lui-même aspirait à mourir tant le monde lui semblait monstrueux. À présent, ragaillardi par quelques milligrammes de substances chimiques, ils sont prêts à affronter leur futur, quel qu'il soit. Car ils ne peuvent ignorer désormais que toute leur survie ne tient qu'à leur vitesse à tuer l'adversaire. Comme une bande d'adolescents en goguette, ils investissent le camp, ils jurent, ils s'interpellent, ils racontent leur guerre. Vétéran de 3 jours, tout juste bon à repartir. Sergueï, la tête en feu, s'est réfugié chez Lenka. Lui aussi souhaite raconter. Comme tous, il a besoin de soulager son âme. Son tempérament l'incline à rechercher l'écoute. Lenka, fatiguée des rudesses masculines, apprécie la pureté du garçon. Toutes ces phrases qui sortent par saccades, elle les a entendues des dizaines de fois. Les faits sont les mêmes. Tuerie, carnage, massacre, souffrance. Mais Sergueï ne s'exprime pas comme les autres. Son exaltation, l'amour qu'il voue à l'être humain, le déchirement qu'il vient de subir, lui font trouver des mots qui sonnent neufs. Pourquoi devons-nous libérer ces gens? De quoi doit-on les défendre? Qu'avons-nous à leur apprendre? Ce ne sont pas des bandits qui nous tirent dessus, mais des paysans qui ne veulent pas de nous sur leur terre. Ce sont les mêmes paysans qui, chez nous, faisaient face aux armées fascistes avec des fourches pour toute arme. Pourquoi nous envoie-t-on les massacrer? Pourquoi mourir sur cette terre étrangère? Pourquoi fait-on de nous des monstres? Malgré ses 34 ans, Lenka ne sait que répondre. Elle est sidérée par la justesse des propos du garçon. Mais tout au fond d'elle-même, une peur naît insidieusement. Élevée à la grande ville, elle a subi, comme tous ses semblables, une éducation très politisée. Propagande sur les murs, à l'école, cours de marxisme-léninisme, endoctrinement à l'université, et surtout, attitude ultra-orthodoxe de son père, qui, pour racheter ses origines nobles, ne s'en montra que plus servile envers le régime. Elle ne peut s'empêcher de réagir selon les déclics prévus par ses années de façonnage mental. On ne peut critiquer, on ne doit pas juger, on a tort de nourrir des doutes, on se tait, le parti réfléchit, le parti soupèse, décide à votre place, le parti sait ce qui est bien, ce qui est mal, le parti et ses représentants sont l'autorité suprême, c'est le bon père de famille qui veille sur ses millions d'enfants. Plus tard, encore deux morts, un homme et un chien. C'est une mine italienne. La mine la plus redoutée pour son efficacité meurtrière les a réunis plus étroitement encore qu'ils ne l'étaient depuis de longues années. La puissance de l'explosion a littéralement encastré le corps du chien dans le torse de l'homme. Ils gisent, leur tête accolée. Loup-garou bicéphale, la bouche édentée ouverte dans le même cri que la gueule au croc étincelant. Livide sous son masque de crasse, Sergueï passe une main fraternelle sur les yeux ouverts de l'homme et sur ceux du chien. Puis il sort son calepin et ajoute deux noms à la longue liste. Cette tâche, il l'a acceptée volontiers, il est le seul à posséder un crayon et un carnet. À dire vrai, il est aussi le seul concerné par la mémoire des disparus. Pour les autres, une fois le choc dissipé, seul subsiste le sentiment euphorique d'être soi-même encore en vie. Statistiquement parlant, ne pas être celui qui vient de mourir, c'est prendre une chance de plus, de revenir un jour à la ville, de pouvoir manger et boire tout son sou. Dans l'état de délabrement physique où il se trouve, aucun, hormis Sergueï, n'a plus la moindre préoccupation morale. Jamais l'expression « à la guerre comme à la guerre » ne s'est mieux appliquée. Se dit Sergueï en claquant la couverture cartonnée de ce qui ne renferme plus qu'une litanie de noms inconnus. Quand a-t-on vu autant de jeunes devenir des loques humaines pour rien? Qui a envoyé des êtres immatures se battre pour une cause qui ne les concerne en aucune façon? Pourquoi voit-on faire d'un tel désastre quotidien un motif de parade militaire qui font trembloter de plaisir les vieillards kakoshim qui dirigent ce pays? Sergueï ne sait répondre à ces questions qui l'étouffent. Son esprit, comme son corps, sont perclus de fatigue, paralysés par la souffrance. Pourtant, il faut continuer. Svolodarski les envoie opérer une diversion dans la vallée qui s'ouvre sur leur gauche. Ainsi, le gros du commando pourra échapper à l'étau des Moudjahidines. Petia et Vassia l'entraînent. Heureux de retrouver leur autonomie de mouvement pour un court instant, ils dévalent la pente, insoucieux de ce qui les guette. Petia a même retrouvé un équilibre qu'il avait perdu depuis longtemps. Bondissant d'un rocher à l'autre, il ressemble à une immense sauterelle, ses longs membres battant l'espace, sa tête rasée surmontant un cou maigrichon à la pomme d'Adam en perpétuel va-et-vient. Il hurle de joie. Vasya ne peut suivre, ses deux musettes, archibourrées, l'empêchent de courir. Sergueï, les pieds à nouveau à vif, suit comme il peut. Soudain, comme au ralenti, il voit la grande figure se disloquer dans les airs. Le bruit de la dynamite ne les atteint que quelques millièmes de seconde plus tard. C'est dans le silence qu'ils regardent retomber le corps de leur copain, puis ses bras, chacun de leur côté. Oubliant sa propre douleur, Sergueï se précipite sur lui. Petia, les deux bras arrachés, n'a pas cessé de sourire, tandis que Vasya, pour arrêter l'hémorragie, se hâte de poser des garrots sur ce qui dépasse encore des épaules. Sergueï le soulève et lui injecte la morphine du mercenaire, puis, lui soutenant la tête, il l'entend demander « Dis, Sergueï, mes mains, elles sont parties ?» Sergueï baisse la tête. « Dis, Sergueï, je jouerai plus, hein ?» Sergueï ne peut retenir ses larmes. Pleure pas, Sergueï. Regarde plutôt si mon bandoneon est pas foutu. Sergueï ouvre le sac et sort l'instrument, qui, en s'étirant, rend un gémissement strident. Non, ça va, ils l'ont pas crevé, alors écoute. Écoute bien, Sergueï, je te le donne. Tu vas apprendre très vite à en jouer, comme ça tu pourras t'accompagner tout seul. Tu chantes si bien. Ce sera encore mieux. Puis se retournant vers Vasya, « Donne un coup à boire, vieux. Là, je l'ai vraiment mérité. » Et sans cesser de sourire, après avoir avalé le contenu de la flasque que Vasya lui a versé dans la bouche à petite gorgée, « Sergueï, dis-moi, je pourrais aller voir Vasilissa ? Dis, je pourrais ?» La voix de Petia affaiblit. Son corps est devenu mou. Vasya le charge sur son dos. Abandonnant sur place ses précieux sacs, Sergueï n'a emporté que le bandoneon, puis il attrape le fusil à répétition aussi. Et geignant de douleur et de peine, il remonte derrière Vasya, en direction du plateau où, il l'espère, un hélicoptère pourra les secourir. L'hélicoptère n'est pas venu. Allongé sur un brancard improvisé, Petia a pu quitter le site après d'éprouvantes heures de marche. Mais il est vivant, lorsqu'on le confie enfin aux mains des chirurgiens. Ceux-ci ont bon espoir de sauver sa jambe droite, très abîmée, il est vrai, par les éclats. Pour les moignons des deux bras, Vasya, le docteur, a bien fait, il n'y a pas d'infection à redouter. Petia n'a pas cessé de sourire, disant « Je suis blessé, je vais être rapatrié, j'ai réussi, je vais rentrer au pays, je suis vénard, vraiment. » Bonjour, vous êtes bien dans l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste sur Radio Dio 89.5 FM tous les premiers mercredis du mois à 17h. Je vous ai lu, on est le 5 juin, il est 17h14, je vous ai lu deux extraits du roman Le voyage de Sergueï Ivanovitch, écrit par Marina Vladi, qui raconte le douloureux voyage de Sergueï au travers de la guerre d'Afghanistan dans les années 80. Comme vous avez pu le constater, ce livre est très dur, désolé. Je trouvais qu'il montrait bien les horreurs de la guerre et les questions que peuvent se poser les soldats. Il est d'autant plus réaliste qu'il se base sur des témoignages réels recueillis par Svetlana Alexievitch dans son livre « Les cercueils de zinc ». Si vous savez déjà que la guerre, c'est sale, ne vous infligez pas ces lectures qui racontent vol, viol, mutilation, trahison, propagande, torture et meurtre. D'ailleurs, je m'excuse de vous en avoir imposé des extraits et d'avoir coupé le morceau de mauvaise surprise qui était bien. Je me disais que c'était un bien maigre retour des choses lorsqu'on voit à chaque coin de rue des incitations à faire de son métier une aventure, si vous voyez ce que je veux dire. On se passe une chanson en forme de grosse dédicace à une personne qui est loin, et que j'embrasse fort. quella sera Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigatiere, apri un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù. Signor questore, io ve l'ho già detto, lo ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà. Poche storie confessa Pinelli, c'è il tuo amico Valpreda ha parlato, è l'autore di questo attentato ed il complice certo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, e l'autore di questo delitto tra i padroni bisogna cercare. Stai attento, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo, se insisti aprian la finestra, quattro piani son duri da fa. C'è una bara e 3000 compagni, stringevamo le nostre bandiere, quella sera l'abbiamo giurato, non finisce di certo così. E tu guida e tu calabresi, se un compagno è stato ammazzato per coprire una strage di Stato, questa lotta più dura sarà. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigatiere, apri un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù. De retour sur le 89.5 de Radio Dio. Aujourd'hui, dans l'émission J'irai pas, l'émission antimilitariste, on aborde deux thèmes. Quelques réflexions à propos d'entretiens avec Pinar Selek, publiés chez Cambourakis, puis une tentative de mise en lumière des conflits qui ensanglantent l'Est de la République démocratique du Congo. Commençons tout de suite par ce livre, L'insolente, dialogue avec Pinar Selek, de Guillaume Gamblin, chez Cambourakis, avec le magazine Silence. Pinar Selek, né en Turquie en 1971 et qui a été poussé à l'exil par acharnement judiciaire de la part du pouvoir turc, participe à ces dialogues avec Guillaume Gamblin. Alors à la lecture de ce bouquin, il y a plein de choses intéressantes à dire qui n'ont pas forcément de lien avec l'antimilitarisme, notamment ses engagements avec les enfants des rues d'Istanbul, mais aussi toutes les autres personnes marginalisées par le pouvoir, travailleurs, travailleuses du sexe, personnes trans, et encore les prisonnières politiques, les arméniennes et les kurdes. Le livre a l'air de bien retracer les engagements politiques qu'elle a eus, et qu'elle porte toujours d'ailleurs, mais pour cette émission, j'ai choisi de tirer de ce livre seulement un point, ou deux, on va voir à la fin, qui jusque-là ont été des points morts qui n'ont pas été abordés dans ces émissions. Et ce point mort, c'est le rapport à la lutte armée. Et pour Pinar Selek, son antimilitarisme se forge peu à peu. Elle va dire ceci. Les difficultés que j'ai rencontrées à ce sujet reflète les difficultés rencontrées par ma génération. Alors, adolescente, elle n'était pas insensible aux actions d'éclat des groupes armés qui vengent certains militants assassinés. Tu te dis, voilà, il y a une justice, quelqu'un fait quelque chose. Il y a une force pour répondre à ça. Je n'analysais pas les organisations qui étaient derrière. Une seconde chose qui l'impressionne du côté de ces organisations révolutionnaires armées est le sérieux de leur engagement. Les militants et militantes qui n'appartenaient pas à ces organisations révolutionnaires buvaient tout le temps, parlaient beaucoup, arrivaient en retard aux réunions, n'étaient pas très sérieux, sérieuses. Moi, j'avais vraiment besoin d'engagement. À un moment donné, j'aimais ces gens-là. Ils étaient très sérieux. Tu te disais que c'était des personnes sur qui tu pouvais compter à 100%. Elles pouvaient mourir pour des idées. Mais en même temps, elles étaient sensibles aux larmes d'un enfant. C'était des gens bien, qui rient avec un grand cœur, qui pleurent. Les autres militantes me semblaient moins sympathiques, moins chaleureuses. Pinard fréquente certaines de ces organisations de jeunesse révolutionnaire. Et c'était pas cet extrait que je voulais lire. c'était l'extrait qui était... on va dire qu'elle... c'est là. Mon antimilitarisme, dans tout ça ne s'est pas développé du jour au lendemain. Mais petit à petit, les critiques féministes, les critiques des hiérarchies se sont rejointes. J'ai senti que la violence légitimait et nourrissait l'ordre social existant. J'ai loupé mon petit passage. C'est normal, c'était à la page 59. C'était ça que je voulais lire, je crois. Donc, elle fréquente des groupes révolutionnaires et parmi ces groupes révolutionnaires, il va y avoir des groupes armés, mais elle se pose des questions par rapport à son antimilitarisme qui se forge petit à petit. Elle trouve qu'il y a des groupes qui sont sérieux, mais elle se pose des questions. Et en 98, alors qu'elle sera déjà en prison à cause de ses recherches, elle va être accusée d'avoir fait un attentat à cause de sa proximité avec le mouvement kurde, et va donc subir la prison dans laquelle elle était déjà, et un acharnement judiciaire qui dure encore aujourd'hui, 25 ans après. Pendant qu'elle est enfermée, elle réfléchira entre autres pas mal à l'antimilitarisme et à la critique des organisations armées en tant qu'elles sont autoritaires. Alors là, je vais essayer de ne pas me tromper de page. Et c'est la page 171. Alors, être antimilitariste, c'est être anti-violence et anti-guerre. Pas telle ou telle guerre parce qu'elle serait menée par des intérêts impérialistes, mais toute forme de guerre. C'est l'organisation du militarisme en général que l'on remettait en cause. Même le terme militant était discuté. On posait la question de la violence organisée dans le système étatique et militaire, mais aussi dans les organisations révolutionnaires. Les groupes antimilitaristes avaient aussi des relations transnationales et ils organisaient des ateliers sur la non-violence. Le militarisme, c'est aussi la discipline, la contrainte et la hiérarchie. C'est pourquoi ce mouvement s'est développé au sein du milieu anarchiste. Dans la Turquie, des années 90 puis 2000, les groupes antimilitaristes sont très actifs. Leur discours est innovant dans l'espace militant turc. Ils organisent des actions courageuses qui mènent parfois leurs membres en prison. Leurs actions ne faisaient pas « boum », comme les actions des groupes armés, mais elles avaient un effet qui grandissait. Beaucoup de gays commençaient eux aussi à se déclarer objecteurs de conscience. Ces derniers sont particulièrement touchés par les violences du service militaire, sommés de prouver par des preuves physiques humiliantes leur homosexualité, afin de pouvoir se faire réformer. Elle est en prison, elle écrit pas mal de choses. Et notamment, en fait, ça vient aux oreilles de Öcalan, le leader du PKK, qui est un groupe armé, qui l'invitera, à écrire ses articles dans un journal qui est pro-PKK. Donc des articles qui prennent plutôt la non-violence et l'antimilitarisme, quoi. Mais la collaboration ne marchera pas trop, justement à cause de ces dissensus, parce que Pinar Selek, elle se méfie de ces groupes armés. Et on peut lire un autre passage. Elle dit qu'elle refusera de prendre la tête de ce journal. Rentrer dans le journal était dangereux pour mon procès, alors que j'étais déjà accusé à tort d'être complice d'actions violentes du PKK. Au sein du comité de rédaction, nous avons beaucoup discuté, j'ai expliqué ce que je pensais, j'ai demandé de l'aide à mes camarades antimilitaristes d'Izmir et d'Istanbul qui ont commencé à écrire dans le journal et qui sont venus animé des formations à la non-violence, j'ai ouvert les portes à des personnes très variées. On commençait à écrire, des féministes, des personnes LGBT, grecques, arméniennes. Le nouveau cycle de contestation qui se créait a pu se rapprocher du mouvement kurde classique. Le rapprochement avait déjà commencé avec des femmes kurdes à travers les mouvements féministes. Il se poursuivait avec le journal. Très vite, nous avons vécu des choses très difficiles. J'ai appris beaucoup de choses dans ce journal. Depuis ma recherche et la prison, j'ai beaucoup appris du mouvement kurde au niveau humain, politique, des stratégies, etc. Mais en même temps, j'ai très vite compris que quand tu es dans une organisation armée, tu peux jamais agir de manière démocratique ni libertaire. Quand tu fais le choix des armes, l'autoritarisme, la hiérarchie et en même temps les relations extérieures un peu sombres et floues se mettent en place, tu peux te faire manipuler très facilement, c'est très dangereux. Toutes les maladies des structures étatiques se retrouvent dans ces organisations. J'ai quitté le journal après avoir écrit 2 articles qui critiquaient les actions violentes et les formes d'organisation qui leur sont liées. Il y a eu une crise au sein de la rédaction, j'avais des positions très nettes et une partie du comité de rédaction a démissionné avec moi. Et le journal a ensuite repris son ancienne forme. Voilà, donc l'aventure dans ce journal n'aura duré que quelques mois en 2004 et 2005. Certaines personnes tenaient face à nous des discours extrémistes en faveur de la lutte armée. Par la suite, il y a eu une nouvelle opération policière contre le journal. Donc ça, elle explique avant que c'était fréquent les perquisitions et le changement de nom de journal qui réapparaissait à chaque fois, quoi. Donc il a été fermé une fois de plus, il y a eu des emprisonnements. Nous avons alors découvert qu'une des personnes qui soutenait les positions les plus militaristes était un membre de la police infiltrée dans le journal. Voilà, du coup un peu son expérience de rapprochement de groupes armés. Moi, en lisant un peu de... Ah, et alors du coup, page 176. Elle dit à un moment... Je ne connais aucune transformation libertaire qui s'appuie sur une armée. Quand on commence à utiliser les armes, on doit se structurer, comme une armée. Et c'est une citation d'un article que je n'ai pas retrouvé, mais qui est paru dans Silence en 2018, qui s'appelle « Espoir et limites de l'autogestion au Rojava ». Et cette phrase, entre autres, et beaucoup d'autres dans ses réflexions, là, ce sont juste des dialogues. Hein. Du coup, ça m'a invité à chercher d'autres trucs. Et je n'ai pas encore trouvé trop de trucs, mais ça pourrait venir. En tout cas, ça m'a fait penser à ce film de Ken Loach, là, Le vent se lève, qui explique un peu la genèse de groupes armés en Irlande, où il y a un gamin qui se prend quelques claques de la part de la police et il finit par donner la cachette de ce groupuscule qui est né en Irlande. Et donc, il y a eu des arrestations et tout, les gens font de la prison et tout. Et... il s'évade de prison et il retrouve le jeune qui a donné la cachette. Et il se trouve que du coup il faut l'exécuter parce qu'on est dans un groupe armé, il y a eu un traître et donc le chef de ce groupe armé va exécuter le jeune qui a trahi entre guillemets alors qu'ils se connaissent depuis tout petit quoi, tous les deux. Et cette scène elle est vraiment très touchante dans le film Le vent se lève. Et Pinar Selek dira aussi, puisque vu qu'elle a été en prison pas mal de temps, elle a aussi été torturée, elle dira des choses aussi intéressantes sur la torture. Elle dira que si elle n'a pas parlé sous la torture, c'était par hasard. C'était qu'elle subissait les tortures et elle disait « bon, je résiste, allez, je résiste encore 2 minutes, 3 minutes, et peut-être qu'après je leur donne un truc pas trop intéressant, on verra. » Et puis, par chance, les tortures s'arrêtaient juste avant qu'elle ne parle, quoi. Voilà, du coup, je pense qu'on a abordé, avec ce livre, on pourrait aborder plus en détail, mais on va essayer de faire vite, parce qu'on a l'émission « Cours, le vieux monde est derrière toi », qui justement sera derrière nous, et on va essayer de pas trop dépasser le temps d'antenne. C'est pour ça que je fais un peu court, mais pour terminer ce micro-point, à l'intérieur de ce livre qui foisonne de plein d'autres informations, hein, comme j'ai dit, plein d'autres secteurs de lutte sur lesquels elle s'est engagée et elle s'engage encore. Donc ce point, c'était sur les organisations armées. Il y a plein d'autres choses à découvrir. Et il y a aussi le lien avec le féminisme, et elle le décrit aussi en racontant la création d'une coopérative féministe et en racontant, par exemple, une marche qui a eu lieu, plusieurs marches en fait, mais notamment une qui a eu lieu pour la paix et qui a réuni 10 000 femmes. Et elle raconte ça, une marche pour la paix notamment par rapport au mouvement des Kurdes, quoi. À peine en sortant de prison, quoi, elle a eu besoin d'un peu de respirer, mais assez vite elle s'est remise dans des dynamiques collectives. Et à peine libérée, elle se lance avec d'autres dans l'organisation d'une grande marche de femmes pour la paix. 3 mois plus tard, ce rêve devient réalité. La marche rassemble 10 000 femmes à Diyarbakir, considérée comme la capitale des Kurdes de Turquie. Et voilà, et en fait, ça va être de grandes dynamiques collectives ensemble aussi entre féministes turcs qui vont faire plein de trucs qui vont lutter, quoi, tout simplement, et qui vont essayer de rejoindre les mouvements antimilitaristes. Et j'avais une autre citation que j'ai perdue qui parle des mouvements anarchistes aussi. Qui vont développer le mouvement antimilitariste et qui vont se croiser avec les mouvements féministes en Turquie. Si, elle est là. Alors, elle va dire: c'est grâce aux anarchistes que le mouvement antimilitariste est né en Turquie. C'est dans le milieu anarchiste qu'ont été créés le premier collectif antimilitariste et la lutte pour l'objection de conscience. Les anarchistes antimilitaristes protestent alors non seulement contre les guerres, mais contre la structure militaire elle-même, et prônent la désobéissance civile contre ce système. Ces groupes commencent à organiser des rencontres, des conférences et des actions. Tout d'un coup, apparaît une nouvelle définition du courage. Jusqu'ici, ceux et celles qui avaient du courage prenaient les armes. À présent, le courage lui-même se transforme en arme. Alors elle va décrire certaines mobilisations qu'on pourrait dire naïves. J'ai qu'à continuer. Les premiers objecteurs de conscience se manifestent à partir de 89. Les premiers emprisonnements ont lieu, générant une mobilisation plus large au sein de la société turque. Les mouvements féministes et LGBTI s'impliquent également dans cette mobilisation antimilitariste. Ce nouveau mode d'action est parfois vu comme naïf face à l'ampleur de la répression. Il lui faut un certain temps pour se faire accepter dans sa logique très éloignée de celle des mouvements révolutionnaires classiques. Quand arrivent les années 90, on voit un espace militant où coexistent les deux répertoires d'action en même temps. L'un ne prend pas le pas sur l'autre, il y a une coexistence. Les mouvements féministes et anarchistes se sont développés et ancrés, et le mouvement LGBTI, quant à lui, a cru jusqu'à les dépasser en importance. Très proche des antimilitaristes, il publie de nombreuses revues. L'antimilitarisme s'est développé dans cet espace multi-organisationnel en alliance avec ses autres groupes. Chaque mouvement a renforcé les autres. Du coup, là, elle parle de la Turquie, mais une fois exilée en France, elle se pose la question aussi des liens entre le féminisme et l'antimilitarisme. Et ben, moi aussi, je me la pose. Voilà, cette question. Et il se trouve que dans ces émissions, on a évoqué... on a lu des appels, par exemple, du réseau des résistances féministes anti-guerre. On a parlé des résistances face à un camp militaire américain de l'OTAN en Angleterre, le camp de Greenham Common, en parlant d'un documentaire qui s'appelle « Des femmes face aux missiles ». Et j'en profite pour faire une petite pub, parce qu'il va être, projeté à Saint-Thé à 18h le 14 juin à La Gueule Noire, 16 rue du Mont, dans le cadre de l'après-m et soirée de soutien aux femmes libres, Mujeres Libres du 42. Un groupe anarcha-féministe de la CNT. Donc je répète, le vendredi 14 juin à 18h, il y aura la projection de Des femmes face aux missiles sur des femmes qui luttent contre l'implantation, contre une base militaire en fait, de l'OTAN en Angleterre. Et c'est dans le cadre de l'après-m et soirée de soutien au groupe anarcha-féministe de la CNT. Et sera suivi d'un buffet et d'un concert à 21h avec les Single Ladies du punk de luxe, puis boum jusqu'à minuit. Voilà, le 14 juin. Donc on avait parlé de ce documentaire, de lutte féministe. On a cité aussi André Michel et ses ouvrages « Citoyennes militairement incorrectes » et « Féminisme et antimilitarisme ». Mais moi je cherchais aussi, disons, des choses plus actuelles. Et une copine me disait, mais en fait, si tu cherches des trucs radicaux et antimilitaristes, faut que tu arrêtes de lire les bouquins et de chercher les universitaires. Et chercher chez les universitaires, voilà. Du coup, je cherche d'autres pistes. Et si vous en avez, vous pouvez écrire à J'irai pas, tout attaché, donc J-I-R-A-I-P-A-S, @riseup.net. Riseup, ça s'écrit R-I-S-E-U-P. .net. Allez, on s'écoute un petit morceau. Un petit morceau de Luis Cilia, Canto do Desertor. Diz à minha mãe que eu não vou pra guerra. Diz ao mar à minha mãe que matar não me apraz. No fundo, quem vai à guerra é aquele que a não faz. Vou cantar a liberdade para a minha pátria amada e para a mãe negra e triste que vive acorrentada. Mas a voz do nosso povo no dia do julgamento te dirá a ti, ó mar, e dirá de vento a vento quem são os traidores, se é quem nos rouba o pão ou se nós os desertores que a guerra dizemos não. Vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 dans l'émission J'irai pas, une émission antimilitariste, tous les premiers mercredis du mois. Alors, jusqu'à présent, on a lu des extraits d'un bouquin de Marina Vladi qui s'appelle Le voyage de Sergueï Ivanovitch. On a fait un tout petit point sur un angle mort jusqu'à présent dans ces émissions, la critique des groupes armés, en s'appuyant sur des textes de Pinar Selek, des dialogues de Pinar Selek qui ont été édités chez Cambourakis. Et je vous avais dit qu'on allait essayer de parler des conflits qui ensanglantent l'Est de la République démocratique du Congo. Donc on va faire un petit point sur ce que j'ai pu lire principalement dans le monde diplomatique du numéro du mois de mai sur la République démocratique du Congo. On peut commencer déjà en disant que c'est un pays du continent africain grand comme quatre fois la France, au niveau de l'équateur, en bordure ouest des lacs Tanganyika, Kivu, Édouard et Albert. Et de l'autre côté de ces lacs, on trouve la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Alors ça fait déjà pas mal de temps qu'on entend qu'une guerre y fait rage. On entend aussi que les dépenses de l'État de la République démocratique du Congo ont doublé d'après le CIPRI. Elles ont augmenté de 105% en 2023. Le CIPRI, c'est le Centre international de recherche sur la paix de Stockholm, l'Institut, pardon. Et il se trouve que son président, Félix Tshisekedi, est venu en France fin avril pour visiter l'école militaire aux côtés de Sébastien Lecornu, et il a enchaîné par un déjeuner de travail avec Emmanuel Macron. Dans une interview donnée au Figaro et publiée le 3 mai, on lit après la question « Votre rencontre avec le président Macron a-t-elle été à la hauteur de vos attentes ?» On lit sa réponse, du coup. Je suis satisfait de cette rencontre avec Emmanuel Macron qui a évolué depuis sa visite à Kinshasa en mars 2023. C'est un président jovial et sympathique sur qui, je pense, la République démocratique du Congo peut compter. Nous nous sommes mis d'accord sur beaucoup de choses, notamment sur les sanctions que la RDC demande à la communauté internationale de prendre contre le Rwanda, du coup un pays qui est de l'autre côté du lac. Ce pays qui est notre voisin viole notre territoire pour piller nos minerais critiques et terroriser nos populations. Nous ne quémandons pas la pitié. Nous voulons que la France joue de son influence en qualité de membre permanent du Conseil de l'ONU, tout comme la Chine ou les États-Unis, pour châtier le régime rwandais. Pourquoi y aurait-il deux poids deux mesures? Pourquoi d'un côté la Russie qui envahit l'Ukraine serait sanctionnée et pas le Rwanda de l'autre, qui nous agresse depuis 30 ans? C'est inexplicable. Un drame humanitaire se déroule dans l'est de la RDC, mais c'est un génocide qui se produit là-bas, 10 fois plus grave que celui qui a frappé le Rwanda en 1994. Il est documenté. Et toutes les organisations internationales peuvent en témoigner. Depuis 30 ans, cette tragédie a fait 10 millions de morts, provoqué le déplacement de 7 millions de personnes dans des conditions infrahumaines. Je suis à la tête du pays qui abrite le plus de personnes déplacées par la force au monde. Et cela par la faute du Rwanda, qui veut la balkanisation ethnique de la République démocratique du Congo. Ouh là là. Alors, attention, peut-être plusieurs points sont à nuancer d'emblée. Premièrement, ce sont les paroles rapportées par Le Figaro, puis par moi-même. Deuxièmement, ce sont les paroles de quelqu'un qui trouve Macron jovial et sympathique. Et enfin, ce sont les paroles d'un chef d'État. Nuance, nuance, d'un point de vue antimilitariste et libertaire, ça fait beaucoup de nuances à apporter. Et puis, toujours depuis notre point de vue, lorsque Félix Tshisekedi compare le drame humanitaire à un génocide, puis à un génocide 10 fois plus grave que celui des Tutsis, du coup 1 million de morts en 1994 en quelques mois au Rwanda, ça pose la question philosophique, n'y aurait-il pas une limite au-delà de laquelle l'échelle de l'horreur n'a plus cours? Autrement dit, un génocide ne serait-il pas un crime contre l'humanité, de par son caractère ethnique et délibéré, et ce, sans considération pour le nombre de ses victimes? Donc je rappelle, c'était les propos du président de la RDC, qu'on peut apporter des nuances antimilitaristes ou libertaires à ce que dit un chef d'État. Encore une nuance à apporter, le président de RDC estime que cette tragédie est entièrement la faute du Rwanda, ce qui, dans la bouche d'un chef d'État, peut ressembler à la stratégie du bouc émissaire, désigner un ennemi pour tout lui mettre sur le dos. La vérité doit se situer au milieu de tout ça. Toujours est-il que, du point de vue cette fois de la population, qui elle n'a rien demandé, ça fait 10 millions de morts et 7 millions de déplacés. C'est quelque chose de difficile à imaginer, même sur 30 ans. Alors, on pourrait faire l'exercice de diviser les 10 millions de victimes sur 30 ans. Ça fait 300 000 personnes tuées par an. En gros, c'est 2 fois la population de Saint-Thé. Peut-être qu'on peut mieux se la représenter. C'est comme si la population de Saint-Thé était vidée tous les 6 mois, et ce pendant 30 ans. Toujours au sujet de la RDC, faisons un petit retour dans le temps. Au début du XXe siècle, ce territoire était sous le contrôle du roi des Belges, Léopold II, qui en avait fait sa propriété personnelle et qui gérait l'exploitation des humains et du caoutchouc avec une extrême cruauté. On peut voir dans le film « Exterminer toutes ces brutes » des images des dizaines de mains ou d'oreilles coupées des personnes récalcitrantes à l'esclavage alors en cours. C'est devenu par la suite une colonie belge, avec son lot d'exploitation coloniale aussi, jusqu'à son indépendance en 1960. Je dis « indépendance » entre guillemets parce que en 61, le Premier ministre Patrice Lumumba se fait assassiner par les services secrets belges et américains. Et de 65 à 1997, ce sera Joseph Mobutu Sese Soko, soutenu par les Occidentaux, qui sera à la tête du pays. Et l'installera dans une économie prédatrice, corrompue et inégalitaire. On rappelle effectivement qu'on trouve en République démocratique du Congo 51% des réserves mondiales en cobalt, 31% du diamant industriel, 9% du tantal, mais aussi beaucoup d'or et d'autres minerais critiques pour la fabrication des produits électroniques. On comprend que c'est un territoire qui attire les convoitises. D'ailleurs, dans la même interview au Figaro, Félix Tshisekedi dira « J'ai effectivement chargé un cabinet d'avocats américains et un autre français de lancer une action contre Apple, Je veux que s'arrête l'exploitation illégale et clandestine, le pillage barbare de nos minerais critiques par des firmes multinationales. Cela représente des milliards et des milliards de dollars et une véritable prime à la guerre. Ces firmes se fournissent, c'est prouvé, via le Rwanda, lequel n'a aucune ressource dans son sous-sol. Donc il en remet une couche sur le Rwanda aussi, mais tout en critiquant Apple. Et aussi en précisant plus loin que la Chine est devenue leur premier partenaire commercial, notamment dans les mines. Revenons aux années 90. À partir de l'année 91, donc c'est Mobutu qui est au pouvoir, de nombreuses rébellions militaires auront lieu jusqu'à la chute du coup de Mobutu en 97, obtenue par la FDL, l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo. Une alliance donc... C'est une alliance de plusieurs choses, donc soutenue à l'époque par le Rwanda et l'Ouganda, et menée par Laurent Désiré Kabila, qui renverse en 1997 Mobutu. Mais quand Kabila s'éloignera de ses anciens alliés, ça provoquera de nouveaux affrontements par l'intermédiaire de différents groupes armés soutenus par d'un côté le Rwanda et le Burundi, et de l'autre la République démocratique du Congo. On a là, entre 1996 et 2002, les premières et secondes guerres du Congo, qui font déjà des millions de victimes. Victimes à la fois des velléités de contrôle politique, mais aussi économique de certaines régions. Notamment à l'est, au bord des lacs, dans le Kivu, où depuis 2004, une nouvelle guerre éclate entre différentes factions pour le contrôle de ces régions minières. À la radio, c'est difficile de décrire cette situation, mais vous trouverez dans Le Monde Diplo de mai les articles sur lesquels je me base, mais aussi une carte qui montre la superposition des mines et des zones de conflit. Actuellement, on trouve dans l'est de la République démocratique du Congo une centaine de groupes armés différents, dont, entre autres, des Ougandais affiliés à l'État islamique, des rebelles congolais, notamment le M23, dont la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de les armer, des rebelles rwandais dont le Rwanda accuse la République démocratique du Congo de les armer contre le M23. Et on trouve aussi les forces armées de la République démocratique du Congo. Et au milieu, on trouve de nombreuses milices privées, de nombreux contrebandiers qui pillent les ressources et exploitent les humains pour le compte souvent de multinationales. Ce bouillonnement de groupes armés provoque un nombre de morts et de déplacés incalculables, et ce depuis 30 ans. Ça laisse à réfléchir sur ce que des associations congolaises ou françaises, ou les deux, appellent les minerais de sang que constituent nos gadgets électroniques, smartphones et autres objets connectés, allègrement consommés ici en Occident. À Lyon, pas loin d'ici, on a un groupe qui s'appelle Génération Lumière, dont on m'a filé un tract, et qui lance une campagne contre l'extractivisme de mai à juillet 2024, où ils expliquent en fait que tous ces minerais rares, ou minerais tout court d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas rares, ils sont très abondants dans les forêts du Congo, favorisent les guerres, du coup les personnes tuées, les personnes déplacées et réfugiées, à la fois à l'intérieur du pays et à l'extérieur, dans le monde. Voilà, peut-être que je peux lire... Une guerre en RDC depuis plus de 20 ans, entre 6 et 10 millions de mortes, 6,9 millions de déplacés internes, 4 millions de réfugiés dans le monde, plus de 1000 femmes violées et mutilées par jour, 40 000 enfants travaillant actuellement dans les mines, 500 000 hectares de la forêt du Congo rasés chaque année. Et ça s'appelle le cycle de vie mortel des terres rares et autres minerais. Et voilà, du coup, ces personnes-là, elles ont envie de visibiliser ce que provoque l'appétit de multinationales, d'entreprises et donc de groupes armés ou de milices pour ces terrains autour, ces territoires, pardon, autour de ces lacs qui sont à l'est du Congo et donc à l'ouest des lacs qui les bordent. Et voilà, c'est une association, un collectif qui travaille à la fois en RDC et à Lyon, en France et en Belgique aussi, et qui essaye de se mobiliser du 22 juin au 16 juillet entre Besançon et Strasbourg, et qui vont faire des choses, je crois, avant de partir à Besançon, qui vont faire des choses à Lyon aussi. Et il s'appelle Génération Lumière, et peut-être qu'on peut avoir plus d'infos sur générationlumière.fr. Une autre question qu'on peut se poser, et je n'ai pas la réponse, si vous avez des outils là-dessus, ça m'intéresse, c'est d'où viennent les armes de tous ces groupes armés ? Un des articles du Monde Diplo propose, et j'imagine qu'ils ne sont pas les seuls, une démilitarisation globale de toute la zone et des dialogues de pacification entre les différents belligérants. Et aussi, il faudrait trouver d'autres moyens de subsistance pour tous les groupes armés qui tirent profit des tensions depuis des années. Et une fois qu'on est habitué à l'usage des armes, c'est probablement quelque chose de difficile de savoir détricoter tout ça lorsqu'il s'agit de revenir en arrière. Et il y a aussi cette phrase. Les chancelleries occidentales gagneraient à appuyer une telle initiative pour lever le soupçon de tirer profit du désordre. Tiens, tiens, serait-ce possible que l'Occident tire profit du désordre ? Ça me permet de faire une mise au point. Si je plante le décor en République démocratique du Congo, il faut se rappeler qu'il est forcément partiel, puisque je n'ai accès qu'à quelques articles qui décrivent une période très longue d'un lieu très éloigné et une situation hyper complexe. De plus, le point de vue est aussi partial, parce que plutôt libertaire et antimilitariste, autant le dire clairement, mon but c'est de critiquer les intérêts du pays dans lequel je me trouve et tout ce qu'on peut trouver derrière. Félix Tshisekedi l'a déjà dit en parlant des intérêts de Apple, de multinationales qui pillent les ressources et qui sont bien loin de la RDC, qui tirent leur profit ailleurs aussi, quoi. Mais nous savons aussi, par le blog Ligne de Défense, que la France a fait des partenariats avec les forces armées de RDC depuis au moins 2019 à travers le soutien à la création de l'école de guerre de Kinshasa et d'autres formations militaires. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'entreprise privée Temis qui forme déjà depuis 9 ans les officiers supérieurs de l'armée et de la police congolaise, cette entreprise privée qui est française. Elle dispense aussi depuis 6 ans des formations à l'école supérieure d'administration militaire. Temis, c'est une ESSD. Avant, on disait SMP pour Société Militaire Privée. Maintenant, on dit, ça fait mieux, c'est plus classe, on dit Entreprise de Services de Sécurité et de Défense. Oups, je vous avais prévenu, on est retourné en France. Mais Temis ne s'arrête pas à la RDC, elle anime aussi des formations à l'école de guerre grecque, forme la police en République centrafricaine, participe à des colloques. Le dernier en date est assez hilarant. Je cite un poste de sa patronne Camille Roux, qui fait aussi des plateaux sur BFM. En mai 2024, excellent colloque, La guerre demain, organisé par le commandement du combat futur et l'armée de terre. Merci au général Bruno Baratz pour son invitation. L'intérêt d'un tel événement réside d'abord dans sa forme. Travailler sur des scénarios, faire de la pédagogie. La pédagogie, c'est grammaire entre les civils et les militaires. Ensuite, l'élaboration de ces scénarios opérationnels doit permettre d'envisager les guerres de demain et les enjeux de sécurité à venir. À ce titre, il a été rappelé, tenez-vous bien, que la crédibilité des scénarios repose aussi sur le contrat social. Faire le lien entre les nécessités extérieures et la production du commun. Dans un passage du temps de paix au temps de guerre, l'impact des forces morales est crucial, tout comme le potentiel sacrificiel national. Alors les forces morales, on était habitués, hein, Macron le dit en permanence, mais alors le potentiel sacrificiel national, bah, c'est une question qu'on pourrait se poser tous les matins. Hein. Comment va ton potentiel sacrificiel national aujourd'hui ? Temis, voilà, une entreprise française qui est ravie de travailler dans les zones de conflit. Voilà pour nous donner une idée de la philanthropie de nos entreprises françaises. Donc le colloque dont Camille Roux parle, la patronne de Temis, daté du 7 mai à Paris, consistait en un jeu de guerre avec une red team contre une blue team. Pendant que les civils se font massacrer pour des intérêts qui ne sont pas les leurs. On est revenu en RDC, ou plutôt au Rwanda, ou plutôt le Rwanda est venu en France. C'est d'une cruelle ironie, puisque quelques jours à peine après que Macron se félicitait d'une excellente coopération de sécurité de défense entre la RDC et la France, quelques jours après, la France recevait, et ça on peut le lire dans Le Monde, une commission franco-rwandaise militaire mixte pour faire le point sur sa coopération sécuritaire entre les deux pays. Cet article est plutôt à charge contre Paul Kagame, le président du Rwanda, mais il montre quelques faits qui ne devraient pas nous laisser indifférents, toujours en parlant des intérêts occidentaux. Pendant cette commission, les militaires ont probablement parlé. En fait, je suis en train d'accélérer pour laisser de la place à l'émission d'après. Donc, il me restait pas mal de choses. Ah non, ça va. Allez. Pendant cette commission, les militaires ont probablement parlé de la présence des 3000 soldats rwandais au Mozambique. pays en proie à une insurrection djihadiste, mais aussi au large duquel on trouve un méga projet gazier de Total Energy, une entreprise française. Ou peut-être qu'ils ont parlé de la présence des militaires rwandais en Centrafrique, où il y avait jusque-là des militaires français, rappelez-vous, Sangaris, on en parlait, qui se sont fait virer au profit de mercenaires russes. Eh ben, l'article nous dit qu'il y a des intérêts directs pour le Rwanda puisqu'il possède des entreprises minières en Centrafrique. Et il rappelle enfin que depuis 2022, Londres poursuit avec Kigali son projet visant à expulser les migrants arrivés illégalement sur son sol directement pour le Rwanda. On comprend que Londres négocie avec le Rwanda un endroit hyper éloigné où déporter toutes les personnes qui seraient déclarées illégales, peu importe leur pays d'origine. Ce service devrait rapporter au Rwanda 413 millions d'euros. Et je crois que je vais m'arrêter là pour si je peux dire juste cette phrase. Pourquoi je parle du Rwanda ? Parce que Félix Tshisekedi du coup accuse le Rwanda de mettre à sac l'est de la RDC. Et il y a un article du Monde du Plot qui a l'air de penser qu'au-delà du pillage des ressources, le Rwanda pourrait bénéficier d'une meilleure image s'il se représentait comme un pôle de stabilité pour être un interlocuteur privilégié. Au sein d'autres puissances internationales, quoi. La réalité est probablement beaucoup plus complexe et le but de cette chronique est de montrer les intérêts économiques des pays occidentaux, à la fois lorsqu'un pays est dit stable, on va pouvoir négocier avec et faire des contrats militaires avec, et quand il est dit instable, bah c'est la même chose, on peut faire des contrats militaires avec et on va le faire même si les deux pays sont en concurrence. Cynisme de l'économie, il y a les lois de l'économie, les lois de la guerre, et il y a la guerre économique. Voilà, ce seront les mots de la fin. À bas l'armée, vive l'amitié, à bas la guerre, et vive la lutte. Vous êtes sur Radio Dio 89.5, et je laisse la place à la prochaine émission qui s'appelle « Cours, le vieux monde est derrière toi ». Nous sommes maîtres de la terre, nous nous croyons des presque dieux, et pan, le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous...